Si la vie est un mystère, si le destin est si grand, quand les drames de notre terre font douter le cœur des gens, là d'où je viens, je suis sûr que la vie tient à un fil pour qu'un regard aussi pur me sauva des flots du Nil. C'est de l'amour un cri, un appel sur ces tables incontournables. Notre chemin est tracé, c'est la paix éternelle. Le plus merveilleux message pour l'amour de nous aimer, sauver mon peuple des armes de la folie d'un tyran, sous le soleil qui s'acharne dans un désert épuisant, et la mer qui se divise pour échapper à la mort, rejoindre la terre promise, se libérer de son sort. C'est de l'amour un cri, un appel sur ces tables incontournables. Notre chemin est tracé, c'est la paix éternelle. Le plus merveilleux message pour l'amour. Chaque jour et chaque nuit, je tiens au creux de ma main ce secret qui nous unit et nous montre le chemin. C'est de l'amour un cri, un appel sur ces tables incontournables. Notre chemin est tracé, c'est la paix éternelle. Le plus merveilleux message pour l'amour de nous aimer, c'est de Alors Dolly, tu as compris? Alors là, moi, rien du tout, hein. Je nage dans la semoule. Écoutez, à vrai dire, je... Tu cherches la clé de la vie, c'est bien ça? Oui, ça fait plus d'une heure qu'on la cherche. Et j'ai d'autres dossiers en cours, moi, monsieur. Chut! Oui, je cherche la clé de la vie. Eh bien, tu l'as trouvée, Dolly. Comment ça? La clé de la vie, c'est toute cette aventure que tu viens de vivre. C'est tous ces personnages que tu as croisés, toutes ces histoires qu'ils t'ont racontées, tous ces messages qu'ils t'ont livrés. La clé de la vie, c'est ça. Je comprends rien. Quel message t'a livré le roi David quand tu l'as rencontré? Eh ben, il m'a parlé de son combat contre Goliath, que rien n'est impossible. Et? Le courage, voilà, c'est ça. David m'a dit, souviens-toi Dolly, le courage, ça me revient. Le courage est un des indices, un des éléments de la clé de la vie. Et puis? Adam et Ève m'ont livré un message d'amour. Voilà Dolly, le courage, l'amour. Allez, continue et réunis maintenant toutes les pièces du puzzle. Il y a une émeraude aussi. Nemrod avec la tour de Babel, c'était la sagesse. La fille de Lot qui a échappé à la destruction de Sodome et Gomorre, c'était le respect. Très bien. Et quoi encore? Si vous croyez qu'on a eu le temps de prendre des notes? Oui, ça me revient. Il y a eu le pardon de Cain, la générosité avec l'arche de Noé, la confiance d'Abraham, l'obéissance de Jonas coincé dans sa baleine, et puis... la fraternité de Jacob et Joseph. Voilà, Dolly. La fraternité, l'obéissance, la générosité, le pardon, la sagesse, le respect, le courage, l'amour. Voici les éléments de la clé de la vie, Dolly. Et ce n'est qu'un début, la vie t'en livrera d'autres. Mais la clé de la vie, c'est surtout toi, Dolly. Ce que tu es, ce que tu ressens, toutes ces belles choses que tu as en toi et que toi seul choisis. C'est ça, la clé de la vie. Dolly Bible, tu viens de vivre avec ce livre la plus belle histoire du monde. Oh, regarde, Flip, ils reviennent tous, tous les personnages du livre. Et s'ils redéboulent tous comme ça, on va pas s'en sortir. Noé, Nemrod, Cain, Abraham, Jonas, Joseph, Jacob, David, Jochebed, Moïse. Vous êtes tous là, mes amis, et grâce à vous, j'ai tout compris. Moïse, laissez-moi vous embrasser. Tu sais, Dolly, nous sommes nombreux à être sortis de ton livre. Mais d'autres merveilleux prophètes auraient pu te livrer eux aussi cette clé de la vie. Jésus et Mahomet, eux aussi, font partie de cette belle aventure. Ainsi que beaucoup d'autres qui tentent comme nous d'apporter de l'espoir, de la joie, de l'amour et la paix à tous les peuples de notre terre. Dolly Bible, maintenant que tu sais tout, il est temps pour nous de retourner dans notre histoire, la plus belle histoire du monde. Viens, Flip, viens contre moi. Adieu, mes amis. Votre vie continue dans le livre. Et nous ne vous oublierons jamais. Mais vous non plus, ne nous oubliez pas. Je penserai à vous tout au long de ma vie. Vous me manquez déjà, mes amis. Souvenez-vous toujours de cette formidable aventure que nous venons de partager. Dolly Bible est la plus belle histoire du monde.